que tu es sur une plateforme, tu vois un super bonus épée. Tu fais ya, c'est-à-dire que tu attaques un boss avec une super épée et tu le tues en un coup.